chinois. Le grand ne t'aime pas, ne viens pas chez moi. Je suis dans la loque avec la deux ailes. On est liés par le sang de la peine. Je lâche 10 points dans la semaine. Je serais mort si je devais compter sur l'assassin. Elle est prête à tout, mais je pense bien qu'elle va devoir gérer mon collègue. Je deviens fou. Je fais des collages depuis le collège. Et les années sont passées, les années sont passées. Et les années sont passées, les années sont passées. Et je vois encore dans la belvédère. Je regarde les étoiles, tu pétais. On fera la chance cet hiver. Faut sortir le gamin cet été. Je vois encore dans la belvédère. Je regarde les étoiles, tu pétais. On fera la chance cet hiver. Faut sortir le gamin cet été. J'ai de la vie, de la Red Bull dans ma bouteille de cristalline. J'ai la frappe dans le pochon bleu. Mais j'ai pas dit qu'faut qu'on passe à la lime. Pété, j'ai fait les 400 coups. Sans faire esprit, j'ai brisé 4-5 couples. Tu dis que c'est ta femme et on l'a baisé. Moi, mes 4-5 coups. J'suis avec le même, comme d'abord, on est les ouais. Y'a des sites qui a Rawin, ouais, ouais, ouais. On est loin, loin, loin. Très aimable dans la cabine, ça fait rire. J'suis mal, j'me suis les ouais toute la noche. Il est 6 du mat. Dans une heure, j'dois aller bosser. Allez, nique sa mère. J'vais prendre l'hôtel, t'inquiète, on va négocier. J'vois ta copine, elle va prendre un taxi parce qu'elle me fait trop. Plus de batterie sur mon tel. Me casse pas le mental. Je vais te casser la rondelle. Chacun ses problèmes, mais pourquoi tu m'en parles? Et les années sont passées. Les années sont passées. Et les années sont passées. Les années sont passées. Et je vois encore dans la belvédère. Je regarde les étoiles, tu pétais. On fera la chance cet hiver. Fais sortir le gamin cet été. Je vois encore dans la belvédère. Je regarde les étoiles, tu pétais. On fera la chance cet hiver. Faut sortir le gamin cet été. Mais c'est qui ce mec? Envoyé en mode missionnaire. Envoyé par les deck deck. Il t'envoie au ballon et tu travailles les pec pec. Yeah. Mais c'est qui cette meuf? Envoyé en mode missionnaire. Envoyé par ta meuf meuf. Le week-end prochain sur elle te pète pète. Uzi, Kalash, Bubu, Cavage, Audio, tu travailles, tu suis sous ta val. Dis-moi si t'as mal. 13 mois house, la dégaine est pas mal. J'ai abusé, elle m'a visé. Les vérités, je l'ai évité. La soirée, elle me connaît. Elle me disait de rester. Je suis avec mes collègues, pas le temps de rigoler. Tu me suces, tu me suces à lui. Ne fais pas de manie. Et les années sont passées. Les années sont passées. Et les années sont passées. Les années sont passées. Je vois encore dans la belvédère. Je regarde les étoiles, tu pétais. On fera la chance cet hiver. Faut sortir le gamin cet été. Je vois encore dans la belvédère. Je regarde les étoiles, tu pétais. On fera la chance cet hiver. Faut sortir le gamin cet été.